Le maire a voté ce matin un bel agenda 21. Et c'est depuis qu'on se sent bien. Ça embellit nos lendemains. On a l'agenda 21. Plus beau qu'Ulysse 31, plus fort que le capitaine Flamme. Chaque jour, on en nourrit la flamme. On a aussi, ce n'est pas tout, un plan de veille H1N1 qu'on active à la moindre toux. Ça sert à rien ? Ça mange pas de pain. Un beau plan dégradé grippal contre la pandémie grippale sera demain votre Moïse. Il vous sauvera de la mouise. Il convient donc dès à présent d'appliquer les 10 commandements dictés par le buisson ardent. Au travail, montrez-vous ardent. Durable est le développement. Alors votons consensuellement pour ce si merveilleux slogan « Ensemble, autrement ».